Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. La guerre est omniprésente dans l'actualité. La guerre que l'on attend, la guerre qui a lieu concrètement. Oui, la figure du guerrier nous intéresse toute la semaine dans le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, les guerriers préhistoriques. Quand peut-on dater le début de la guerre ? Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Des hommes de la préhistoire, il est reconnaissable entre tous. Bon, déjà parce qu'il fait sensation dans la forêt avec son slip en cuir sur lequel est accroché son coutelas en ivoire. Et que dire de sa belle chevelure blonde et de ses yeux bleus? Ensuite, parce qu'il arbore un très joli collier constitué de 5 griffes comme autant de valeurs qui le portent. Le courage, la loyauté, la générosité, la ténacité et la sagesse. Il est le fils des âges farouches, ces raons qui se déplacent de clan en clan et qui partagent la vie, les tracas, les joies de ceux qui marchent debout. Raon est né en 1969 en bande dessinée. Le scénario est écrit par Roger Lécureux avec des dessins d'André Chéret. André Chéret décédé en mars 2020. Raon n'habite pas dans une grotte. Non, il habite dans le magazine Pif Gadget. Il habite aussi dans notre imaginaire. L'imaginaire que nous nous faisons de la préhistoire avec des aventures au titre évocateur. Par exemple, Raon et la guerre des clans. Oui, mais Raon a-t-il réellement connu la guerre ? La question peut être discutée, car quand il est question de préhistoire, il faut se départir des clichés et des autres gadgets. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, des braves, les figures du guerrier à travers les âges, la construction de cette image du guerrier. Nous allons croiser des samouraïs, des chevaleresses et puis aujourd'hui nous allons nous interroger sur la naissance de la guerre. Mais oui, peut-on dater la naissance de la guerre? Avec vous, Anne Loerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'archéologie à l'université Cergy Paris, où vous occupez la chaire d'excellence archéologie et patrimoine. Vous êtes historienne aussi, il faut le dire, hein, archéologue, historien. Quand nous parlons de préhistoire, il s'agit d'histoire. Les sources ne sont pas les mêmes, c'est surtout ça. Tout à fait, c'est effectivement de l'histoire, sauf que la documentation est une documentation archéologique et non textuelle, mais nous faisons bien de l'histoire avec cette documentation. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Alors, vous êtes l'auteur de la préhistoire d'Europe, de Néandertal à Vercingétorix, c'est chez Belin, et puis d'un que sais-je qui vient de paraître, le néolithique, c'est votre dernier que sais-je, j'en avais fait d'autres, hein, sur l'archéologie, le néolithique. Le mot fait rêver parce qu'il nous plonge dans la préhistoire, et puis nous en comprenons le sens, néo, nouveau, lithique, pierre, ah c'est la nouvelle pierre, la pierre est polie. Faut rappeler hein, combien cette période est essentielle chez nous. Nous nous situons quand avec le néolithique? Alors pour l'Europe occidentale, on est plutôt du côté du 6e millénaire avant notre ère, mais il y a des néolithiques qui commencent bien plus tôt et de manière un petit peu différente de celle de l'Europe. Et puis vous êtes l'auteur de Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre chez Belin, avec cette question, mais comment l'archéologue que vous êtes, Anne Loerf, peut voir la guerre? Nous imaginons des pointes de flèches, éventuellement des lances, peut-être des corps blessés, mais cela ne dit pas la guerre. Qu'est-ce qui montre la guerre en archéologie? Alors dans cet ouvrage qui est une étude, en fait, je suis historienne, je suis archéologue et j'ai une spécialité qui est l'archéométallurgie. Donc je m'intéresse en fait à la fabrication des objets en alliage cuivreux principalement. Et c'est comme ça que d'une certaine manière, moi je suis entrée en guerre. C'est en étudiant ces objets et en particulier donc l'armement, les épées. Et à force de voir des épées, je me suis interrogée évidemment sur non seulement leur fabrication, mais leur usage. Et en Europe, l'épée naît entre 1700 et 1600. Et c'est un signe extrêmement net d'un changement, d'un basculement, parce que finalement, la hache ou la pointe de flèche peut avoir des usages pluriels. L'épée, en revanche, n'a qu'un seul usage, c'est de pouvoir attaquer, de devoir être cette arme offensive. Alors ça peut être également un symbole de pouvoir, mais en tant qu'objet fonctionnel, c'est évidemment une arme, et uniquement une arme. Oui, l'épée est fascinante, hein. On la retrouve dans vos ouvrages, Anne Loher, enfin, par les armes, ou même dans le, que sais-je, sur le néolithique. C'est vrai qu'on sent ce moment épée. Moins 1700 chez nous, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire, oh c'est tardif. Nous avons un imaginaire où les hommes se tapent depuis longtemps, il y a des guerres. L'épée est une invention qui arrive bien après d'autres inventions. Alors, l'épée est effectivement une invention. Alors, tardif, je ne sais pas, parce que finalement, 1700, 1600 avant notre ère, c'était il y a un petit moment. Mais effectivement, on a un imaginaire de la préhistoire qui est beaucoup plus ancien, mais sans cette arme offensive spécifique. Ensuite, la question est de savoir ce que l'on appelle la guerre en tant que telle. La violence existe depuis très longtemps, probablement avec l'humanité elle-même. La question est de savoir à quel moment, finalement, l'homme dédie tout un pan de son activité, de son énergie, de son savoir, de son économie pour fabriquer ces objets et finalement créer un personnage qui est celui du guerrier, donc le thème de cette semaine, qui va être le porteur d'épée. Oui, c'est cela aussi qui nous intéresse, hein, c'est que à partir d'un objet, une épée, peut comme ça se développer toute l'analyse d'une société, parce qu'il faut des gens qui portent l'épée, les guerriers, il faut des gens qui fabriquent l'épée. Mais alors, l'épée suffit à dire que la guerre existait, là aussi il faut de la nuance. Alors, je ne sais pas s'il suffit de l'épée pour dire que la guerre existe. En tout cas, sa naissance marque un moment extrêmement important et à mon avis un moment clé. Parce que pour fabriquer une épée, eh bien, il faut du cuivre, il faut de l'étain. Et donc, il faut tout un commerce, il faut une extraction minière, il faut transporter le minerai, il faut des hommes qui sont capables de travailler cet alliage, de fabriquer une épée qui est un objet extrêmement complexe d'un point de vue technologique, et une épée qui soit performante. Si vous avez une épée mal fabriquée, il y a quand même des petits risques sur le champ de bataille, c'est légèrement ennuyeux. Donc il faut des gens qui sachent faire, il faut des gens qui sachent organiser et qui souhaitent organiser, finalement, ce trafic sur des milliers de kilomètres à travers l'Europe pour que l'épée existe. Donc ça veut dire que à travers cet objet-là, il faut voir derrière l'objet et en amont de cet objet toute la mise en place d'un système qui intègre finalement l'épée et qui intègre avec cette épée l'artisan et le guerrier. Et le guerrier. Ben justement, nous allons faire un plongeon dans le passé, une présentation d'un moment de la préhistoire. C'est dans le documentaire Le Sacre de l'Homme. C'était en 2007, diffusé sur la deuxième chaîne de la télévision française, le moment où les sédentaires s'installent. Mais attention, ils ne sont pas encore des agriculteurs. Les sédentaires ne sont pas encore des agriculteurs. Ils cueillent des baies et des céréales. Ils ne savent pas encore que l'on peut cultiver les plantes sauvages. Leur mode de vie vient d'ajouter une nouvelle facette au tempérament humain. Une facette que les nomades ne connaissent pas. Le sens de la propriété. Pour nous, nomades, les richesses de la terre sont à tout le monde. Les sédentaires ne peuvent plus penser ainsi. Sans leurs réserves, ils ne peuvent plus survivre. Alors naît ce sentiment étrange. La crainte de se faire ravir ses richesses. La naissance de la propriété dans le documentaire Le Sacre de l'Homme. Dites-nous, Anne Loherf, tout de suite le mot tombe quand nous évoquons cette période, le néolithique. Il y a l'idée de l'agriculture. Le mot d'ailleurs, l'expression révolution néolithique revient régulièrement. Dans quel contexte peut-on comprendre la naissance? Alors, je n'ose pas dire de la guerre, parce qu'il faut vraiment définir ce qu'est la guerre, mais en tout cas, d'outils, d'armes spécifiques pour le combat entre les humains. Alors, il faut envisager plusieurs étapes. Le néolithique, on l'a évoqué tout à l'heure, on est plutôt pour l'Europe occidentale du côté du 6e millénaire avant notre ère. Donc on est loin de 1700 avant notre ère, qui correspond à la période que l'on appelle là pour le coup l'âge du bronze, dans une terminologie qui est née au 19e siècle, que vous avez évoqué avec néolithique, paléolithique, qui précède le néolithique, âge du bronze puis âge du fer. Et puis on intercale également un mésolithique entre le paléolithique et le néolithique. Tout ça, ce sont des mots, mais qui recouvrent un certain nombre de réalités. Et quand on parle de révolution néolithique, c'est-à-dire que on entend, alors c'est une révolution lente, mais mondiale, qui se passe en plusieurs temps et avec plusieurs modalités. La sédentarisation est un trait de l'Europe, mais dans d'autres régions du monde, on a mis avant la sédentarisation, par exemple, l'invention de la céramique. Alors que nous, ça va après. Donc on a ces détails d'une certaine manière, mais on passe effectivement d'un mode de subsistance différent, pour résumer, entre le monde des chasseurs-cueilleurs que l'on vient d'évoquer, à celui des agriculteurs. Donc c'est la naissance finalement du monde agricole dont nous avons hérité. Et lorsque l'on a adopté l'agriculture, il n'y a pas eu de retour en arrière. Donc c'est dans ce sens-là, d'une certaine manière, qu'il y a une révolution, même si elle est lente, parce qu'elle marque un changement majeur et pas de retour en arrière. Alors avec cette agriculture, on a effectivement le paysan, que l'on connaît dans notre imaginaire, attaché à son champ, attaché à son bétail, une augmentation de la population, et effectivement, attaché au sol, il y a cette idée de la propriété qui naît. Toute la question est de savoir si, d'abord ça ne s'est pas fait en un jour, et si automatiquement derrière, on rentre dans un schéma de violence, et on rentre dans un schéma de guerre à proprement parler, pas simplement de violence, où effectivement, comme on le laisse supposer dans ce reportage, on a peur pour ses biens et l'autre peut éventuellement attaquer. La guerre est autre chose. La guerre, c'est véritablement un système organisé. Et c'est toute l'ambiguïté ou tout le débat qui peut se porter sur le néolithique, de savoir si la violence est déjà la guerre ou si elle est dans un autre schéma, qui est celui d'une violence bien réelle, mais qui n'est pas encore ce que l'on voit avec l'âge du bronze et le développement d'une panoplie et d'un système qui, là, sans ambiguïté, est la guerre. La violence est une évidence pour l'archéologue en découvrant parfois des corps abîmés. Alors oui, on a effectivement aujourd'hui un regard avec des études en particulier sur les squelettes, et on sait, on a des ensembles dans les premières cultures du néolithique d'Europe, qui sont les cultures rubanées, on a des cas en Alsace, en Allemagne, effectivement, de massacres. Est-ce que des cas individuels de massacres suffisent à dire la guerre? Je n'en suis pas certaine. Voilà, donc la question, elle se pose, et la panoplie de l'armement reste justement dans ce questionnement, c'est-à-dire que ne tranche pas, alors qu'à l'âge du bronze, on est véritablement dans quelque chose qui a été tranché. Oui, au moins là, c'est clair, parce que l'on a des armes spécifiques pour faire la guerre, alors qu'auparavant, c'est vrai qu'il est très difficile, que ce soit une hache, même un arc, tout ça est destiné à la chasse, en fait. Ben, on peut avoir, en tout cas, on peut avoir un usage pluriel, c'est-à-dire qu'on peut l'arc et la flèche peut tout à fait être une arme de guerre et très efficace. Mais c'est vrai que quand on a un casque, une cuirasse, une épée, on est dans une panoplie de guerriers en tant que tels, en bonne et due forme, et là, l'ambiguïté n'est plus possible. D'ailleurs, Anna Loerf, il faut rappeler que si l'on trouve un corps abîmé, et d'ailleurs c'est le cas d'Ozzy, celui qui a été retrouvé dans les Alpes tout congelé, ce n'est pas la guerre non plus. C'est de la violence, c'est peut-être la guerre, on n'en sait rien. Alors c'est un cas isolé, donc Ozzy effectivement a été trouvé dans un glacier entre l'Autriche et l'Italie. Il est mort d'un tir de flèche dans le dos, en contrebas par des assaillants. Alors c'est une histoire extraordinaire et rocambolesque, c'est un vrai thriller, parce qu'il y a tout un, il y a eu des enquêtes et puis il est très bien conservé. Enfin, mais on peut pas dire que c'est un guerrier. Il semblerait plutôt que ce soit un métallurgiste. Il est plutôt du côté de l'artisan que du côté du guerrier. Il a des poumons tout encrassés de métallurgiste. Mais effectivement, il n'est pas en lui-même une preuve d'une quelconque guerre. Et d'ailleurs, la question se pose de savoir si l'homme préhistorique était un prédateur. C'est ce que se demande Théodore Monod. Théodore Monod, naturaliste, explorateur, penseur. C'est en 1968 dans l'émission Eureka à la télévision française. Il faut songer que l'homme préhistorique par exemple, était d'abord simplement un prédateur parmi d'autres prédateurs. Il n'avait pas d'influence particulière sur le milieu dans lequel il vivait. Ceci jusqu'à l'époque qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire le moment où l'homme a disposé du feu, bien entendu, depuis un certain temps, de l'animal domestique, de la céréale, de la céramique, et il y a eu là une sorte de révolution technique et industrielle qui a permis à l'homme d'accroître dans une mesure considérable pour l'époque son pouvoir d'agression vis-à-vis du monde vivant. Alors le premier stade pour moi c'est une sorte de soumission à la nature, le deuxième stade c'est le stade de l'agression. Et bien dans ce stade de l'agression, nous vivons encore, et nous vivons encore sans avoir modifié notre psychologie, mais avec des moyens techniques amplifiés d'une façon colossale. Théodore Monod qui parlait le 30 octobre 1968 dans l'émission Eureka, la télévision française. Anne Loerf, une réaction à ce que dit Théodore Monod avec ces deux stades, l'homme soumis à la nature, puis l'homme agresseur de la nature. Oui, alors ce texte est, enfin ce passage est extraordinaire parce qu'il est d'une actualité incroyable encore aujourd'hui. Or 1968, c'était pas tout à fait hier. Et en tout cas, depuis 1968, les archéologues ont fait de nombreuses découvertes et l'archéologie a beaucoup évolué. Donc je trouve que ce texte est extrêmement intéressant pour ça. Alors oui, ce qu'il dit est juste, c'est-à-dire que le chasseur-cueilleur du Paléolithique est un homme qui a une interaction. Alors il est en interaction avec le milieu dans le sens où il suit, il connaît le milieu, le chasseur connaît particulièrement son environnement, mais il n'a pas une action prégnante sur le milieu. En revanche, l'agriculteur, au contraire, va essayer contrôle. L'élevage, les cultures, et donc il va transformer le milieu et petit à petit essayer de le dominer. Et on est rentré effectivement dans ce stade-là, et on y est toujours aujourd'hui, avec toutes les accusations que l'on connaît aujourd'hui, justement, d'une action trop forte qui a déréglé le climat et le système, parce que justement, l'homme a pris le pouvoir sur son environnement. Oui, ce rapport de l'homme à la nature et de l'être humain à ses contemporains, nous parlons de la préhistoire, et ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, avec cette interrogation, peut-on dater le début de la guerre ? Peut-on dater le début de la guerre ? Anne Loerf, vous nous avez bien dit que les armes, effectivement, pour l'archéologue, sont essentielles pour pouvoir réfléchir. Je vous propose la lecture par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire en direct d'un extrait de l'ouvrage « Pourquoi j'ai mangé mon père ?», un livre de 1960 de Roy Lévis, avec une réflexion sur la fabrication des armes à la préhistoire, fabrication des armes dont vous êtes une spécialiste, Anne Loerf. Écoutons Olivier Martineau. Mes tout premiers essais, bien sûr, c'était avec le bambou. C'est lui qui m'a donné l'idée de base. Mais à l'usage, c'est de la camelote. Peut-être qu'il a de l'avenir dans la construction, bien que personnellement j'en ai horreur. J'ai encore essayé du figuier, du châtaignier et même de l'acacia. Mais c'est seulement quand je me suis attaqué à l'if que j'ai compris que je tenais le bon bout. Tout ce que tu vois là, c'est de l'if. Mais il faut tomber juste. Trop vert, c'est mou. Trop vieux, ça casse. Son élasticité s'améliore en séchant, de sorte que je n'en suis qu'au tout début. Pour bander l'arc, la meilleure corde, c'est encore le tendon d'éléphant. À la rigueur, les stolons de l'orchidée muscade. Et pour les flèches, tout bois droit et léger convient, tel que le bois de santal. Évite les bois trop lourds. Ils ont un bon pouvoir de pénétration, mais c'est au détriment de la portée. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait de l'ouvrage « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lévis, avec cette réflexion sur comment fabriquer une arme, que faire avec une arme. Anne Loerf, évidemment, les premières armes, nous les imaginons simples, et là nous avons entendu l'évocation d'armes avec des bambous, des arbres. Bien sûr, l'arme est là, autour de l'homme. N'importe quel objet est une arme, on pourrait dire une arme par destination, un caillou jeté, tout peut être arme. Le moment, et c'est votre spécialité, est lié au métal, déjà, ne serait-ce que pour des questions de conservation. Un arc laisse moins de traces, sinon par ses flèches. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Dans ce texte, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi sur, finalement, le rapport aux matériaux. et l'empirisme de l'artisan qui va chercher à trouver le meilleur matériau possible, son meilleur état. Il ne faut pas qu'il soit trop vert, il ne faut pas qu'il soit trop vieux. Et on est dans le travail du matériau, quel qu'il soit d'une certaine manière. Hein. Et ce sont évidemment, les archéologues voient ça très bien quand ils travaillent sur les questions de technologie, que ce soit sur de la pierre, que ce soit sur du bois, ou que ce soit pour ma part effectivement sur la métallurgie. On voit bien cette recherche humaine de trouver le meilleur matériau possible. Dans le matériau lithique, on va choisir le silex de la meilleure facture qui soit, qui va pouvoir faire fabriquer de grandes lames, par exemple. Les bois, c'est pareil. Et la métallurgie va être du même ordre. Et on a cette recherche, d'une certaine manière, empirique de l'artisan qui va travailler, qui va tirer des leçons, finalement, d'un échec ou d'un semi-échec, en tout cas de ce qui ne le satisfait pas, et jusqu'à trouver, finalement, la meilleure solution possible par rapport à un objectif. Et moi, c'est vrai que dans ma démarche au départ, spécialiste de métallurgie, c'était pas de trouver l'arme, mais c'était véritablement de comprendre la démarche de l'artisan justement face à ces matériaux. En l'occurrence, pour les alliages cuivreux, le bon mélange, combien on va mettre de cuivre, combien on va mettre d'étain. On va pas fabriquer une perle de la même manière qu'une épée parce que l'usage n'est pas le même, la couleur ne va pas être la même. Voilà, on va chercher. Et donc, me semble-t-il, derrière ces questions-là, il y a bien sûr l'archéologue qui regarde aujourd'hui, mais il y a l'artisan un jour qui a fabriqué, il y a l'utilisateur qui a utilisé. Et je pense que là, on a une rencontre absolument clé entre celui qui fabrique et celui qui utilise. Et l'archéologue est le modeste ouvrier, d'une certaine manière, chercheur, qui doit essayer de comprendre cette rencontre et comment, justement, à partir d'un matériau, on aura cherché à fabriquer le meilleur objet possible. Anne Loerf, justement, dans votre travail, vous mettez l'humain au centre de votre réflexion, ce qui est très intéressant, hein, que ce soit dans le Que sais-je sur le néolithique ou par les armes le jour où l'homme inventa la guerre. On sent que ces artisans, d'ailleurs, comment dire, vous avez une certaine proximité avec eux à force d'étudier leur travail. C'est vraiment passionnant de lire ça et de mettre l'humain au cœur de la démarche de la fabrication, en l'occurrence d'une épée. Alors, je suis contente de savoir qu'effectivement, mais finalement, l'humain, c'est, nous sommes en sciences humaines, en histoire et en archéologie, donc le sujet premier, c'est effectivement l'humain. Nous, notre objectif, c'est de comprendre ces humains du passé, et en archéologie, ils sont d'une certaine manière muets, puisqu'ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas laissé de récit de leur existence. Donc il y a, d'une certaine manière, enfin, il y a une enquête, il y a, j'ai presque envie de dire un jeu, d'essayer de trouver, de faire parler l'épée pour essayer de retrouver d'une certaine manière le geste de l'artisan, ce qu'il a pu essayer d'imaginer, le geste du guerrier qui aura utilisé l'épée fabriquée. Et donc oui, redonner parole d'une certaine manière à ces hommes, quels qu'ils soient, essayer de leur retrouver quelle était leur place dans ces sociétés qui ont disparu, qui sont parfois extrêmement anciennes et pour laquelle on n'a aucune source écrite. Et c'est ça qui est le plus complexe à imaginer, c'est l'absence de source écrite vu que nous réfléchissons à la guerre. Parce que la guerre telle que nous l'analysons, et nous savons souvent que nous plaquons dans le passé nos préoccupations du présent, la guerre est géopolitique, la guerre est stratégie, rapport de force. Or, pour ces périodes où il n'y a pas ces traces écrites, il faut envisager la guerre d'une autre manière. Alors, vous, Anne Loerf, quel est le regard que vous portez sur la guerre? Comment vous analysez la guerre, j'ai envie de dire, en creux? Oui, c'est tout à fait ça, c'est en creux, ou c'est en tout cas, c'est en partant de l'armement. C'est-à-dire que, en plus, la question de cette guerre et de cette naissance de la guerre ou de cette violence, en archéologie pour cette période haute, est une question qui est finalement relativement récente. Quand moi j'étais étudiante, on nous parlait du paisible paysan, on voyait apparaître le guerrier du côté de Vercingétorix. On imaginait effectivement l'homme farouche et violent dans les grottes, mais on n'était pas dans une thématique de la guerre. Donc la question de la guerre en tant que sujet à part entière est une réalité en archéologie du néolithique ou de l'âge du bronze qui a une vingtaine d'années, pas plus, en France. Donc c'est un sujet relativement récent et c'est très bien, la science bouge, évolue, se réinvente. Et donc il faut partir d'une certaine manière de ce que l'on a. On peut pleurer en disant on n'a pas de texte écrit, on n'a pas de source écrite et donc on n'arrivera à rien. Ou au contraire se dire bah, faisons avec ce que nous avons. En l'occurrence, nous avons une documentation archéologique composée d'objets, nous avons des structures. Pendant longtemps, on n'a pas vu la guerre et puis maintenant, on a un champ de bataille de l'âge du bronze au nord de Berlin, alors qu'on n'imaginait pas du tout que ça pouvait exister. Donc finalement, en faisant évoluer les thématiques, en regardant la documentation pour ce qu'elle peut dire et en essayant, dans cette enquête précise, à aller regarder derrière et à faire parler, on peut arriver à des solutions et on ne doit pas s'interdire non plus d'imaginer des systèmes politiques, économiques, sociaux complexes. On ne doit pas imaginer des sociétés simplement de violence, mais même si on n'a pas de source écrite là-dessus, il faut imaginer des hommes qui dirigent des sociétés, des hiérarchies sociales, des spécialités, et donc un guerrier à part entière, comme on en a pour les périodes plus récentes. Oui, c'est vrai que vous soulignez bien, Anne Loewer, qu'il faut changer les approches et ne pas étudier un squelette, celui d'un guerrier ou d'une guerrière, ou d'une épée, simplement une épée, comme tout objet. Il y a quand même une démarche à adopter pour la préhistoire. Tout n'est pas poterie, éclat de silex, épée, squelette, à étudier de la même manière. Il y a une posture à prendre en tant qu'historien et archéologue. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut aborder la documentation comme on aborde un texte, la documentation archéologique. Il faut essayer de faire un tour d'horizon de ce que cela peut effectivement apporter. Il faut multiplier, je pense, les approches. C'est-à-dire qu'on aura l'approche de terrain. Moi, je travaille en laboratoire. Je travaille avec un artisan bronzier. Donc je le vois en train de faire, je peux lui poser des questions, avoir une approche anthropologique, essayer de combiner en se méfiant toujours de nous-mêmes, parce qu'effectivement nous pouvons avoir des biais qui vont déformer une réalité, et il faut composer avec cette déformation. Et essayer le plus possible d'essayer de retrouver, de reconstruire d'une certaine manière ces sociétés et les hommes qui la composent. Et en même temps, déconstruire les représentations qui s'imposent à nous. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur France Culture. Mais de quand peut-on dater la guerre? Voici Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre. Et ça, c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. C'est qui, elle? France Culture. Guy. Oh. Comment ça se prononce? Guy. Que. Pierre. Non, c'est plus Guy. Le cours de l'histoire. Ah. Mais de quelle tribu êtes-vous, Guy? Xavier Mauduit. Donc c'était bien l'âge de Pierre, hein, tout le monde s'appelle Pierre dans le film dans le cours de l'histoire, où nous réfléchissons à la figure du guerrier des temps préhistoriques, avec cette complexité de toutes ces images que nous avons en tête, qui nous viennent notamment des films. On a eu un exemple là avec le film Rrrr, mais il y en a tant d'autres, de la bande dessinée et parfois également de la chanson. Exemple avec les quatre barbus qui magnifient l'homme de Cro-Magnon. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, et tout, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pompon, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Il Il était poète à ses heures, disant à sa femme en émoi: tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut, je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'âme de croc, l'âme de mâle, l'âme d'oignon, l'âme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pampan, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. 200 000 ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons les bois, les champs et les rivières. Mais s'il revenait, quelle déception! Nous voir suer 6 jours sur 7, il dirait sans faire de détails: faut-il que nos héritiers soient bêtes pour avoir inventé le travail? L'homme de Cro, l'homme de Mâle, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pampan, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, chanté par les 4 barbus dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric, l'homme de Cro-Magnon. Mais dites-nous, Anne Loerf, l'homme de Cro-Magnon, c'est un homo sapiens? Tout à fait, c'est nous. C'est nous. L'homme de Cro-Magnon, c'est nous, c'est sapiens. Mais alors dans sapiens, il y a sagesse. Et tout de suite, la question se pose dès que nous parlons de la guerre. Nous ne sommes pas si sages que ça, en fait. Non, c'est Sapiens qui a inventé la guerre? C'est Sapiens qui a inventé la guerre, et c'est pas sûr que ce soit effectivement ce qu'il ait fait de plus sage. Comment expliquez-vous que, très souvent, dans toute l'œuvre de fiction, alors nous avons pu évoquer Rahan, mais il y a le film La guerre du feu, il y en a tant d'autres, et le livre aussi, l'image de l'homme du passé préhistorique s'associe très souvent à la violence. C'est pas toujours la guerre, c'est lié à la violence. Oui, on a créé la figure en fait de l'homme préhistorique violent au moment, d'une certaine manière, où on a inventé la préhistoire au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au moment où justement ont été trouvés les restes de Cro-Magnon. Et en fait, c'était fascinant de trouver, on s'attendait pas au 19e siècle, à trouver finalement des hommes aussi anciens. Donc ça a fasciné, ça a fait peur, et puis on avait besoin d'une certaine manière d'aller au-delà des restes osseux qu'on l'on trouvait. Il fallait les mettre en récit. Et donc l'imaginaire a fait le reste. Les archéologues étaient très timorés, un peu frileux à oser faire une histoire avec ces individus. Et finalement, du coup, ce sont les peintres et ce sont les écrivains qui ont mis en récit cet homme de la grotte. Et ils l'ont imaginé. Je pense dans les peintres à Paul Jamin, par exemple, qui fait des tableaux absolument incroyables. Il y en a avec des hommes dans la grotte. Il y a la chasse aux mammouths. Il y a toutes ces figures. Et donc, il y a cet imaginaire qui s'est développé, qui a été relayé par l'écrit, je pense à Rony, par exemple, et on est resté sur cette image. Et aujourd'hui, évidemment, les archéologues ont pas mal de travail pour démonter tous ces clichés. Et c'est nécessaire, mais c'est vrai qu'avant de les démonter, ces clichés, il faut les poser. Anne Loerf, vous évoquez Rony, l'auteur de La guerre du feu. Alors, La guerre du feu, c'est en 1909, c'est ancien, mais le film, dans les années 1980, a eu un énorme succès, le film de Jean-Jacques Haneau. Eh bien, nous allons justement écouter Olivier Martineau nous lire en direct un extrait de La guerre du feu de Rony, 1909. Parmi les saules et les palétuviers, on vit surgir une trentaine d'hommes et de femmes aux têtes longues, aux torses ronds et singulièrement étroits. Un combat avait commencé. Cernés, les hommes sans épaules lançaient des sagaies, non pas directement, mais à l'aide d'un objet que les oulams n'avaient jamais vu. C'était une baguette épaisse, de bois ou de corne, terminée par un crochet. Et ce propulseur donnait aux sagaies une portée beaucoup plus grande que lorsqu'on les jetait à la main. Les visages triangulaires surgissaient de toutes parts. Ils couraient, droit à la mêlée, avec de longs hurlements. Toute la prudence qu'ils avaient montrée devant les oulams avait disparu. Peut-être parce qu'ils ne craignaient pas le corps à corps. Peut-être aussi parce qu'une haine ancienne les surexcitait. Ce fut rapide et farouche. Nao lança sa sagaie et son harpon, puis bondit en faisant tournoyer la massue. La panique arracha quelques nains rouges au champ de bataille. Mais sur les ordres du chef, tous se rallièrent en une seule masse, hérissée des pieux. Il y eut une sorte de trêve. Olivier Martineau qui lit c'est un extrait du roman La Guerre du Feu. La Guerre du Feu qui conditionne notre imaginaire, et nous entendons dans cet extrait évidemment un vocabulaire qui vient du temps où l'auteur parle de ce passé lointain. Nous sommes au début du XXe siècle, donc on évoque la haine et nous sentons une construction en clan. Anne Loerf, dans la construction de cette image de la guerre préhistorique, si nous essayons d'enlever ce que nous avons, nous, comme schéma mentaux, que reste-t-il ? Quand peut-on dater l'origine de la guerre ? C'est la question que l'on se pose. Est-ce datable, tout simplement ? Alors, permettez-moi, juste avant de répondre à votre question, de revenir sur le passage qui vient d'être lu, que je trouvais extrêmement intéressant, sur la question du propulseur, et qui finalement ramène à la question de l'invention et de la tradition. C'est-à-dire qu'on a dans ce passage précisément une sorte de face-à-face entre des hommes qui ont un équipement traditionnel face à des hommes qui ont inventé quelque chose. Et je pense que on est là dans une des clés de lecture. C'est toute la question de la tradition et de l'innovation qui revient finalement à la question que vous venez de poser et à laquelle je vais donc répondre sur le moment de l'invention. Et alors, on parlait tout à l'heure de l'épée, je pense que c'est un moment clé en termes d'invention. Toute la question est de savoir comment, à un moment donné, il y a un type farfelu qui a eu l'idée d'inventer une épée. Comme quelqu'un a eu l'idée à un moment donné d'inventer le propulseur dont il est question, et qui effectivement augmente la portée considérablement du tir. Et je pense que c'est une question clé, finalement, quand on s'intéresse à cette réalité-là, c'est de savoir à quel moment, qui et de quelle manière on arrive à amener une invention qui a des conséquences majeures, puisque l'épée est effectivement le premier pas important dans une forme de course à l'armement dont nous ne sommes toujours pas sortis. Et effectivement, est-ce que c'est le bronzier dans son atelier qui, au travers de mélanges, d'enrichissement, d'abord du cuivre en mettant de l'arsenic, de l'antimoine, puis de l'étain qu'il doit donc aller chercher ailleurs, qui va allonger la lame, on fait des lames courtes en silex, et va avoir l'idée de l'épée, qui permet à la fois un corps à corps, mais une mise à distance des deux combattants. Ou est-ce qu'il y a une demande de quelqu'un autre qui n'est pas l'artisan et qui va souhaiter un combat différent? Et alors, on ne peut pas évidemment répondre à cette question de manière simple, parce que il faut faire avec les objets et qu'ils ne sont pas toujours très bavards sur certains aspects. Mais en tout cas, la question se pose en ces termes. Et il me semble en tout cas que ce moment entre 1700 et 1600 en Europe, parce que c'est pas vrai dans le reste du monde, est un moment extrêmement important où on peut dire qu'il y a une date clé en termes d'invention de la guerre. Ça, c'est sûr. Donc il se passe quelque chose à ce moment-là autour de cette idée guerrière, mais la guerre sous-tend une armée, le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas des groupes humains armés qui s'attaquent à d'autres groupes humains. Là, que reste-t-il en archéologie ? Alors, les épées, moi si je suis venue effectivement à cette étude de l'épée, c'est que on voit une épée, deux épées, on a des milliers d'épées quand même en Europe. C'est pas une épée qui traîne comme ça, l'air de rien. J'évoquais tout à l'heure la question du champ de bataille que l'on connaît aujourd'hui dans le nord de l'Allemagne. On est quand même a priori sur des centaines et des centaines de combattants. Donc on est sur des chiffres qui sont des chiffres considérables, à la fois du côté du nombre de l'armement, que l'on a soit sous la forme d'objets entiers, soit sous la forme d'objets brisés, ce qui est également extrêmement intéressant du point de vue de l'interprétation. Et puis, plus on cherche de ce côté-là, et plus on est sur des réalités guerrières, incluant des champs de bataille, des armées, des techniques de combat spécifiques, qui invite à penser qu'on est dans un système extrêmement organisé à partir de 1700 avant notre ère. Oui, donc la guerre s'organise. Alors nous le comprenons très bien avec tout ce que vous nous racontez, Anne Loerf. Il faut des gens qui fabriquent, il faut des gens qui portent les armes. Parfois, ce sont peut-être d'ailleurs les mêmes. Ça peut, c'est possible. J'ai un doute. Vous pensez qu'il y a des spécialisations ? Oui, je pense qu'il y a des spécialisations. Je pense qu'effectivement, on est plutôt sur le combattant n'est pas le fabricant. Donc c'est vraiment la construction de la figure du guerrier avec son équipement. Est-il possible de construire une place sociale à ce guerrier ? A-t-il un statut particulier ? C'est difficile à voir ça uniquement avec les objets. C'est difficile de le voir avec les objets. On est forcément dans des études, dans des comparaisons. On va aller chercher des exemples pour des périodes plus récentes. On va aller chercher des exemples en anthropologie. On a tendance à penser dans le système et dans la société de l'âge du bronze, on a tendance à voir le guerrier comme étant un individu qui a une place sociale importante, éminente. En tout cas, c'est quelqu'un qui joue un rôle important. On a tendance à effectivement pas le mettre, si je peux utiliser le terme, en bas de la société, dans les hiérarchies, mais plutôt dans des positions de pouvoir, l'épée étant un symbole, y compris de pouvoir. Oui, d'ailleurs, parmi toutes les épées retrouvées, vous le dites bien dans vos ouvrages, notamment Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, beaucoup d'épées sont des épées d'apparat, de prestige, des cadeaux. Alors, il y a des épées, les épées sont fonctionnelles. On a fait des études sur les épées elles-mêmes. Elles portent les épées portent des coups sur le tranchant de la lame qui sont des coups d'activité fonctionnelle. Même les cuirasses sont des défensives qui sont un peu plus tardives, hein, qui sont plutôt de la fin de la période en métal, hein, comme on en a à Marmès par exemple, pour ce qui est de la France. Donc ce sont des objets fonctionnels. L'objet fonctionnel peut aussi être un objet de prestige et d'apparat qui a pu servir dans un certain nombre de cérémonies ou de circonstances particulières. Les objets ou l'armement strictement d'apparat que l'on voit comme tel, on a des certitudes pour la période d'après qui est l'âge du fer, où là on a effectivement des objets qui n'ont pas été sur le champ de bataille, c'est certain. Pour l'âge du bronze, on a plutôt quand même tendance à voir des épées qui ont été utilisées. Oui, si on fabrique une épée, c'est vraiment pour l'utiliser. Hélas, hélas. Je voudrais vous faire écouter une archive hein, qui date du 21 décembre 1974. C'est Max Escalon de Fonton, président de la Société française de préhistoire, qui s'exprimait à la télévision française à propos des agriculteurs et des guerriers. À partir des agriculteurs, les agriculteurs sont des guerriers. Les chasseurs n'étaient pas guerriers. Les hommes, depuis l'origine la plus lointaine, hein, jusqu'à l'apparition de l'agriculture, c'est-à-dire chez nous ici vers le 6e, 5e millénaire, les hommes qui étaient pourtant armés n'ont jamais fait la guerre. On a des quantités de tombes de ces époques reculées, il n'y a jamais de traces de blessures de guerre. À partir de l'époque de l'agriculture, on a des tombes, quelquefois des tombes collectives, dans lesquelles on a des squelettes qui sont, on peut dire, je crois, criblés de flèches. On connaît des squelettes qui ont 3, 4, même 5 flèches plantées dans les os, dans les ossements. Sans compter celles qui ont frappé les chairs molles, que l'on trouve en fouillant la sépulture, qui ne sont pas évidemment plantées, elles sont tombées, mais qui sont là. Est-ce qu'il faut que l'on considère que finalement, la guerre, ça a commencé à partir du moment où on définissait son territoire, sa terre, sa propriété. C'est ça. On ne peut pas dire que la guerre est vieille comme le monde. Elle est vieille comme la propriété. Comme notre monde. Max Escalon de Fonton, président de la Société française de préhistoire, qui s'exprimait en 1974 à propos des agriculteurs et des guerriers. Et pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté. La propriété, l'agriculture conduit à la guerre. C'était en 1974. Il y a un moment, la recherche a avancé depuis. Anne Loerf, des nuances à apporter à ces propos? Alors effectivement, on regarde les guerriers à travers, en tout cas on regarde les individus à travers la tombe, mais pas uniquement. D'un point de vue quantitatif, c'est clair qu'à partir du néolithique, on a beaucoup plus de documentation que l'on en a pour ces sépultures par rapport aux périodes précédentes. Donc il faut aussi ramener les chiffres les uns en face des autres. Et on a encore d'autres données pour l'âge du bronze. Il ne faut pas exclure cette possibilité qu'effectivement, il y ait eu quelque chose d'organisé au néolithique. Mais il me semble que d'après la documentation telle qu'on l'a aujourd'hui, même s'il faut garder le sujet ouvert, la première des certitudes absolues concerne l'âge du bronze. Et le sujet reste à débattre et ouvert pour ce qui est du néolithique. On ne l'exclut pas, la question de la propriété est un bon argument, avoir son territoire et le défendre, mais je ne crois pas que ça suffise à dire que le guerrier et la guerre sont nés précisément. Là, pour le coup, on est peut-être dans une déformation par rapport à une vision très contemporaine que l'on peut avoir de ces questions-là. D'ailleurs, il faut saisir l'ensemble de cette période. C'est ce que vous faites hein, dans votre Que sais-je, le néolithique, à Noël, qui commence par ces mots, le néolithique, c'est pas automatique. Vous nous expliquez ? C'est une phrase provocatrice, mais c'est vrai que le néolithique, c'est pendant des milliers et des milliers d'années, l'homme a vécu sans inventer l'agriculture. Et puis, pas un beau jour, mais un jour, effectivement, petit à petit, il s'y est mis. Mais c'était pas une évidence, pas plus que l'invention de la métallurgie est une évidence. Et finalement, pas plus que quoi que ce soit dans l'histoire de l'humanité n'est une évidence et n'est automatique. C'est-à-dire que les sociétés, les hommes, à un moment donné, font des choix qui peuvent être parfois très différents, parfois communs. Et ce sont nous, les historiens et les archéologues, qui devons mener l'enquête pour comprendre cette pluralité, cette diversité de trajectoires. La guerre, donc, ce n'est pas automatique non plus, même au néolithique. C'est possible qu'il y ait eu autre chose. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même regarder d'autres aspects, d'autres vecteurs, notamment du travail des artisans, dont vous êtes très proche, Anne Loerf. Dans Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, vous commencez l'ouvrage en vous rapportant à vous-même, bien sûr, mais au présent. Donc, il y a toute une réflexion sur aujourd'hui, sur la réflexion autour de la guerre. Et c'est vrai que c'est la clé de cette question-là. C'est le qu'est-ce que la guerre ? Tout à fait. Mais parce que je pense que même quand on travaille sur des périodes très anciennes, on est quand même quelqu'un de son temps et on n'est pas, on n'a pas une vision passéiste et nostalgique des sociétés. On est au contraire dans un regard à la fois qui est celui de ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui et puis nous avons à porter un regard sur un lointain passé. Et je pense qu'on a ce devoir ou en tout cas de faire le chemin entre les deux. En permanence, et je pense que quelqu'un de ma génération qui s'intéresse à la guerre ne la regardera pas comme mes professeurs me l'ont enseigné d'archéologie, où ils ne parlaient pas de guerre dans les cours de proto-histoire. Jamais je n'ai eu un cours sur la guerre au néolithique ou à l'âge du bronze quand j'étais étudiante. Donc les choses évoluent parce que le monde contemporain évolue, et donc nos regards d'historiens, évidemment en contexte, évoluent. Donc oui, il y a évidemment une part personnel dans la manière d'aborder un sujet, et c'est heureux, enfin, c'est comme ça. C'est essentiel. D'ailleurs, vous citez Stéphane Audouin-Rousseau. Stéphane Audouin-Rousseau, donc spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui en fait s'intéresse au génocide du Rwanda. Parce que il y a ce va-et-vient, et c'est vrai que la chose pourrait paraître étonnante pour quelqu'un qui étudie la préhistoire. Or non, les modes d'analyse restent toujours aussi probants. Je pense qu'il y a des questionnements communs, et puis je pense qu'il y a le rapport finalement entre le chercheur et son sujet, qui est une constante, quel que soit finalement le chercheur et quel que soit le sujet d'étude. Donc le regard de Stéphane Audouin-Rousseau sur un combat, sur une guerre, sur une violence, sur un génocide extrêmement violent, lui qui est spécialiste d'autres questions, m'a touchée, m'a interpellée pour un questionnement qui lui était évidemment plus ancien, puisque l'âge du bronze, on a une sédentarisation, une sédimentation de la documentation qui fait qu'on a un regard plus éloigné. On n'est pas dans l'immédiateté. 1994, c'est hier. Moi, l'âge du bronze, j'ai du mal à incarner mes guerriers de l'âge du bronze. C'est pour ça que j'ai essayé de les mettre en récit. C'est parce qu'il faut leur donner corps et chair d'une certaine manière. Mais ça, je trouve que c'est intéressant de se positionner par rapport à son sujet et d'essayer de voir la distance qu'il peut y avoir entre le chercheur et son sujet d'étude sur une question aussi délicate, aussi compliquée que la guerre, parce que c'est douloureux comme sujet. Donc c'est vrai que s'interroger sur le rapport que l'on peut avoir avec un tel sujet me semble absolument fondamental. Et parfois la distance se fait proximité parce que Anne Loerf, vous êtes devant des objets, vous avez parfois entre les mains une épée, et cette épée-là, sans savoir le détail, raconte une histoire d'un individu. Et ça c'est touchant, mais vous en parlez. Oui, j'ai mis en récit au début de chaque chapitre d'une certaine manière. Alors, c'est au moins deux individus et pas un individu, parce qu'il y a le guerrier et il y a l'artisan. Et il y a cette rencontre. Mais oui, c'est-à-dire que moi, ça me touche de me dire que je tiens entre mes mains un objet qui peut avoir 3000 ans et qu'effectivement a été fabriqué par quelqu'un, a été utilisé par quelqu'un dans une histoire que je dois reconstruire. Et je trouve que oui, c'est quelque chose d'extrêmement touchant de me retrouver dans cette position. Je pense que ça nous donne aussi une forme de responsabilité et ça nous oblige à beaucoup d'humilité. Eh bien, cette humilité, cette responsabilité, en tout cas ce récit, on le retrouve à Loerf dans Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, et puis dans le que sais-je sur le néolithique. Le néolithique, je le rappelle, c'est pas automatique. Merci beaucoup Anne Loerf. Merci. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quin et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les origines de la violence sur le sol américain. Alors que les émeutes aux États-Unis sont toujours d'actualité, Joe Biden, candidat à la présidentielle comme on le sait, a attribué l'origine de cette violence à son adversaire politique, Donald Trump, lors d'un discours à Pittsburgh la semaine dernière. L'analyse est un peu simplificatrice et appelle cependant une question politique et anthropologique essentielle dans l'histoire du Nouveau Monde et un thème entêtant qui questionne la colonisation du continent américain. Le premier coupable désigné, exportateur de violence, c'est l'Ancien Monde, le vieux continent d'où venaient les premiers colons. Le Nouveau Monde devait être différent, on a surtout changé d'ennemi, sans ménager les sociétés amérindiennes tout en important les rivalités coloniales préexistantes. C'est le thème de la nouvelle production d'envergure de National Geographic, Barkskins, le sang de la terre, qui propose une adaptation en série du roman éponyme d'Annie Proulx. Tous les nationalismes s'y bousculent à travers le récit de deux populations concurrentes dans leur implantation sur le sol outre-Atlantique, l'inimitié historique en diable entre Français et Anglais. An English agent went missing. I'm here to discover his fate. Who was it who tasked you with this mission? The name doesn't matter. The name. Matters. What sort of a man are you? L'intrigue de Barkskins se situe dans les années 1790, alors qu'un massacre de colons français exaspère les relations déjà difficiles entre les parties en présence. On croise dans cette colonie de Wobeek, en Nouvelle-France, l'actuel Québec, des colons français et anglais en rupture de ban, qui luttent pour leur survie dans un environnement où les coups partent vite et les mœurs se vivent relâchées. C'est un personnage secondaire, Claude Trépanny, à la fois fantasque et hérétique, qui porte dans sa trajectoire dramatique l'histoire de la formation de cette société québécoise. En concubinage avec une femme amérindienne métisse, il ne rêve que de se voir attribuer une fille du roi, issue de ses contingents féminins, envoyés par la monarchie française, celle de Louis XIV donc à l'époque, pour contribuer à l'enracinement de ces colonies jusqu'ici très masculines. C'est d'ailleurs ce personnage qui explicite la philosophie de peuplement qui repose sur une pierre angulaire, le sang. Une fois épousé une bonne française, il n'aura pas de scrupules à abandonner sa compagne indigène pour réintégrer un ordre social plus conforme à celui de l'Ancien Monde. Qui étaient les moins pires à défaut d'être les meilleurs? C'est une question qui taraude les débats sur l'identité nationale québécoise et qui rebondit régulièrement dans l'actualité des fictions friandes de ces temps pionniers et conquérants. En 2015, le film d'Alejandro Iñárritu, The Revenant, avait fait polémique quand le très populaire acteur Roy Dupuis, avait refusé de prendre part à son casting au motif que les coureurs de bois français apparaissaient sous de très vilains traits. Il est vrai que leur partition dans le scénario se bornait à une scène de viol tout à fait déplaisante. L'acteur avait accusé le réalisateur de réécrire l'histoire, et d'ailleurs la même année, il avait aussi prêté sa voix et son physique à un documentaire plus conforme à sa vision de l'histoire, L'Empreinte de Carole Poliquin et Yvan Dubuc. Une part de moi-même m'échappe. Quand j'ai débarqué en Amérique, j'étais français. Et bientôt, je ne vivais ni ne pensais plus comme un Français. J'étais devenu Canadien. Du mot iroquois, Canada. Ma tribu s'est donné d'autres noms depuis. Canadien-Français, puis Québécois. Mais dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, quelque chose s'est dérobé. Un fil s'est rompu en chemin. À la question « Comment survient la violence sur le sol canadien ?», le documentaire inculpait directement la colonisation britannique. Cette empreinte affirmée dans son titre, c'est celle d'une fraternité perdue et refoulée qui aurait lié les premiers colons français et les nations amérindiennes, et fondé une éphémère société métissée, bien avant que la force de frappe anglaise n'écrase prestement ce paradis de la rencontre. Un regard idéalisé pour démontrer que malgré ce refoulement, la société québécoise s'est construite avec un inconscient amérindien, un inconscient de la rencontre coloniale qui habite encore aujourd'hui les imaginaires historiques. Mais Barkskins choisit de renvoyer dos à dos les modèles européens de colonisation et pulvérise de manière plus conforme à l'histoire peut-être cet idéal de mixité qui se termine surtout par la relégation généralisée des Amérindiens sur le sol américain. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire, tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. Dès demain, le cours de l'histoire continue. Nous nous intéressons à la figure du guerrier et pas n'importe quel guerrier. Demain, nous partons à la rencontre des samouraïs.